J'aime bien ça. Nota bene, ce texte est le fruit d'une longue négociation qui a pu aboutir à un bon polycope commun. Je signe en premier parce que c'est moi qui l'ai tapé et renéoté. J'adore. Parce que ça veut dire qu'on l'a beaucoup discuté les deux. On n'était pas toujours d'accord, mais on s'est mis d'accord. Et puis, les idées viennent vraiment des deux. Mais qui... Et le problème des signatures était un des problèmes qu'on soulignait en parlant de la recherche scientifique. Ouais, qui signe et qui s'approprie le travail des autres. On était très sensibles à ça.